Maintenant qu'on se fait rare, c'est plus comme à l'époque. Le business ou le rap, mais je croyais qu'on était potes. Je suis plus vraiment le même, faut que je me téléporte. Le temps ouvre ses fenêtres, mais referme quelques portes. Tant pis pour les rancœurs, le temps passe avec ses codes. Moins de poteaux dans le cœur, plus de dollars dans le coffre. Courir contre la montre ou se noyer dans l'alcool. Finir au bout du monde ou finir au bout de la corde. On vieillit sur les photos, on n'est plus à la mode. J'ai laissé quelques poteaux, ma jeunesse à la morgue. On allait faire les furieux à quatre sur la mob, mais qui parlait d'être sérieux. Le futur, on s'en moque et je me demande combien d'entre nous n'ont pas de limites et combien ne veulent jamais grandir. Combien courent encore après le mérite. Je suis blessé dans mon ego. Combien d'entre nous n'ont pas de limites et combien ne veulent jamais grandir. Combien courent encore après le mérite. Je suis blessé dans mon ego. On fera les comptes à la fin, on fera les comptes à la fin. On fera les comptes à la fin, on fera les comptes à la fin. Dans mon ego. On fera les comptes à la fin, on fera les comptes à la fin. On fera les comptes à la fin, on fera les comptes à la fin. Mon cœur ceinturé de dynamite, le temps impose sa tyrannie. Ouvre bien les yeux, on frappe à long feu comme les pyramides. J'éricane d'essence, mon existence et le temps qui la brise. Et mon adolescence dans une ambiance houtaine qui l'habille. Croire en quoi? Croire en qui? Puisqu'au début les parents te guident. Et forcément tu peux plus rapper pour les mômes à 40 piges. Capiche? C'est pas un homme qui vit, mais c'est tes rêves de môme qui meurent. Moi je suis trop vieux pour faire des clips dans un hall d'immeuble. Je suis pas d'humeur, je m'écroule en moins d'une heure. Je suis pas à l'écoute, ni des tendances cool, ni des rumeurs. Je meurs, le temps me catapulte. J'ai l'impression de devenir vieux sans jamais avoir été adulte. Pourtant ma gamberge est grande, même si tu me vois faire le con. Moi j'aime apprendre, mais je déteste qu'on vienne me faire la leçon. Évite les thèmes et les sujets qui fâchent. Merde, j'suis tellement à l'ancienne, j'mets les touches de PES même sur FIFA. Dites à mon frère que je voulais mettre un doigt sur nos blessures et qu'il n'a pas niqué ma vie. Non non, il m'a sauvé bien sûr. Maintenant que t'es loin de ta cellule, d'une vie douteuse, sache que t'as toujours été de loin le meilleur de nous deux, frangin. Entre les plaintes et les cris, entre les craintes et le bruit, hein, tout ce qui est atteint est détruit. Putain, réaliser ses rêves, ça peut faire des dégâts. J'suis comme tous les hommes, je désire plus jamais ce que j'ai déjà. Et déjà j'ai quelques classiques, mais ça devient casse-pipe gros. Je suis à un charbon de chicha de devenir has-been. Moi le temps m'a rattrapé, je suis déjà ringard. Je peux pas rapper comme Niska ou me saper comme Esprit Noir, poteau. Y'a pas que la musique dans la vie, mon négro. SP, malgré tes distances tu restes mon frérot. Tant pis, ça va trop vite puisque cette vie c'est juste un entraînement. Trop aérois, je serai en retard à mon enterrement. Avant je cachais toutes mes inquiétudes à mes parents, et maintenant rien ne change, je cache mes inquiétudes à mes enfants. Ton entourage te le rappelle plus que tout. Ce qu'on reproche à nos amis d'enfance, c'est d'avoir le même âge que nous. C'est pour les jeunesses éternelles devenues âmes en peine, et pour toutes les adolescentes proches de la quarantaine. Le temps qui passe nous a rendus inégaux, comme beaucoup de mes négros. Je suis blessé dans mon ego. Combien d'entre nous n'ont pas de limites, si c'était de la chance. Combien ne veulent jamais la vie n'est pas rose, donc comment expliquer les causes. On connaît que le prix des choses, on ignore la valeur des gens. Moi je suis pas trop bavard, bien plus généreux qu'avare. Et tant pis si la gauche caviar me condamne et me dévisage. Je sais que ça dérange les croyances et les légendes. L'argent ne change pas les gens, ils ne révèlent que leur vrai visage. Alors j'essaie toujours de dédicacer tous les bouts qui vont éclater. Tous les braves qu'on tente d'écarter, tous les gars des terres d'écarter. Je vais pas claquer les bras ballants, je vais pas jacter comme une balance. Faire du chiffre et tenir ta langue, faire du bif avec mon talent. Plus je te connais, plus je te promets, plus de monnaie, plus de problèmes. Plus de molaires, plus de colère, plus de collègues, plus de commères, plus de bordel pour les impôts. Plus de vice à payer plein pour vivre vite et mourir bientôt ex-pauvre avec des rêves genre. Quitter le ghetto définitivement, enterrer tous les gens qu'on aime dignement, réaliser ses projets les plus téméraires, prendre l'avion plus souvent que le RER, majeur en l'air pour mes ex-patrons qui m'offensent, remettre la lumière dans ma maison d'enfance, quelques billets pour recaver en cas de malchance, ça ne suffit pas à faire un homme avoir de l'argent. Un, trop longtemps boycotté. Je connais les mauvais côtés de cette putain de pauvreté, entre rêve et déception. Comme Taipan peut le dire, c'est vrai que j'aime pas les riches, mais j'attends de le devenir pour pouvoir faire une exception. On fait du commercial pour pas que nos familles chialent, car votre ascenseur social nous verrouille et nous malmène. Faut que je me sauve, y'a du mépris sur ma peau. Je ne peux pas aider les pauvres si je reste pauvre moi-même. Pendant que toute ta tête est dans la télé, toutes tes têtes se sont emmêlées. Comment respecter les délais, des putains de crédits de fêlés. Dès le temps m'a de lever tôt pour s'empêtrer dans le métro. Trafic côté dans le ghetto, quête les condés dans le rétro. Putain d'attitude de dandy, des tons à tes gaines de bandit. Toutes les bouteilles que tu brandis, tout ton compte en banque a grandi. Braquer les boutiques de Paris, t'appelles tes tours en Italie. Tous les protocoles me valident, ex-pauvre avec des rêves genre. Quitter le ghetto définitivement, enterrer tous les gens qu'on aime dignement, réaliser ses projets les plus téméraires, prendre l'avion plus souvent que le RER, majeur en l'air pour mes ex-patrons qui m'offensent, remettre la lumière dans ma maison d'enfance, quelques billets pour recaver en cas de malchance, ça ne suffit pas à faire un homme avoir de l'argent. Je vais vous dire une parole. Sorina Lobby, Bolo Barana Lobby, Bomaye Music, yeah. J'peux te chanter qu'on se connaît, mais en fait on se connaît pas. Je viens de là où on meurt de jalousie plus que de choléra. J'aime bien chanter pour les thunes, mais je suis le meilleur en peura. Rajoute un peu d'autotune que je devienne chanteur d'opéra. Nouvelle bombe, ouvrez les guillemets, arrêtez de filmer. J'ai fui le rap parce que j'étais le bon parmi les pygmées. Parfois on parle en rime, mais souvent on parle en chiffres. Pour eux je reste une énigme comme un ramadan juif. En Afrique je ne suis pas expat, je me donne en spectacle, extase. On a vendu du shit, mais jamais d'exta. On perd avec honneur, polémique. Je sais ce que ça fait d'être un loser, je suis supporter des New York Knicks, fais ton truc sur ton trajet. Jamais pour les gens ici, on commence par t'encourager en te décourageant. Poto, ils nous disaient qu'on avait tant, on les a brouillaves. Mon putain de rap n'est jamais mort, alléluia. Yeah. Alléluia. Mon putain de rap n'est jamais mort, alléluia. Yeah. Alléluia. Mon putain de rap n'est jamais mort, hein. Entre le soleil et le dark man, colère et les black man, je suis bipolaire, certains m'appellent Bruce, d'autres Batman. Pas de solution dans nos rues quand les condés frappent mal. À part chanter la révolution à la Tracy Chapman. Bien sûr que je m'échappe man, à des kilomètres, je fais du rap man. Noir musique, je n'ai pas de maître. Musique nègre, ça rend nerveux. C'est plus facile quand t'es blanc, demande à Val, demande à Oral, ça nous net feu. Il faut l'admettre, pas besoin que quelqu'un mette trop Renoir pour gagner aux victoires de la musique de merde. Mentalité jamais prête, toujours coupable. Je plaide rarement dans leur festival, donc on fait des concerts au bled quand même. De toute manière, on punit. Je veux ma peine sans modèle unique. La bannière des États-Unis, la SACEM de Carla Bruni. La galère n'est pas un progrès, faire de la merde n'est pas un projet. Je fais la guerre jusqu'à la prochaine. Ma grand-mère est sur ma pochette, guette pour quelques potes, c'est garant. Parfois, on se porte garant, mais le rap, c'est pas toujours marrant. Fais gaffe, on n'est pas tes parents. Je vais bombarder dans mon bolide, placarder pas mes acolytes. On préfère plaider la folie plutôt que d'aider la police. Sur quelques coups, c'est plus un flow, c'est une fontaine. Prochain album, des gens on écoute sur un iPhone 13. Putain, on fait sa plaque indépendant, jeune débrouillard. Mon putain de rap n'est jamais mort, alléluia. DJ de réel. C'est fini là. Vas-y, mets l'autre face. T'as pas l'auto-reverse? Genre, t'as pas l'auto-reverse. T'es une galère, toi. Ce genre de Zaïre 1989. Le buzz et les palabres, j'ai pas besoin de com. Refrain en lingala, j'ai pas besoin de code. J'ai beaucoup d'orgueil, tous les dollars je recueille. Mais un jour dans mon cercueil, j'aurai pas besoin de coffre. Pas besoin de cote, pas besoin de frime. Si Dieu m'escorte, j'aurai pas besoin de fric. Pour changer la donne, que les rages me pardonnent. Je suis seul pour cet album, je n'ai pas besoin de feat. Pas besoin de clip de colombe dans mon rêve. Pas besoin de flic de colon dans mon bled. Dieu congolais, nos richesses se terminent. Les diamants sont éternels, boy, pas là, j'ai gamine. Alors on crie. On prie, être grand c'est aussi être incompris. C'est pour mes russes et mes racines. 1989, auto-reverse dans la machine. Lyriciste bantou. Yeah.

commande, elle a commandé. Tu vas faire genre, tu veux commander. Et comme c'est dur de se pardonner, depuis le temps que ça dure, j'ai abandonné. M'en aller, j'ai préféré m'en aller. Je préfère moi-même m'écarter avant que ça vienne éclater. M'en aller, j'ai préféré m'en aller. Et comme je commence à douter et je vois toujours la même avec les hommes. Avec les hommes, c'est ça même. Batele makongona motema nzamba pambola yo. Tunanga ndeko nalakisa yo. Batu nyonso bazomatisa yo. Kinikini makambwa mokili. Soki moresini bakobwakisa yo. Bango bapeti biso mikolo. Bango babeti kakali solo. Biso toyebi toyebi toyebi toyebi batu maboko likolo. Butu mobimba na meli nanga. Tika na bina na sheri nanga. Poto na tika ki kongo soki nazwi mongo ngana kei nanga. Toujours moussala to fanda kate. Toujours libanda to lala kate. Ataki mokonzi ko tika la mingi. Ko ume la mingi ezala kate. Yanga na franse na linga la pe. Soki na embi soki na rape. Baloyo na tiki babiki. Soki na siliki bafini nga mwana mabe. Olobara lobara mingi. Nukuta yama na yo. Olingi go kiti sabiso. Anduga yama na yo. Zana masolo moreza atina, yama na yo. Bolinga bolinga tele lweko inda, yama na yo. Maître Gims, Fali Poupa, Boma et Music, Christian Le Pira, Kinshasa Kama, Naza, yama na yo. Kata, kata.